très bel après-midi. Voici Histoire vivante. À demain. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. L'exposition conçue pour le peuple suisse. Les questions brûlantes, c'est jamais le moment de les poser, pour certains. Cette semaine, l'Expo 64. On ne nous demande pas de renoncer à la liberté, on nous demande de se conformer. D'une ouverture d'esprit à une fermeture de principe. Qu'est-ce que c'est qu'un Suisse ? L'amnésie d'un géant nommé Gulliver. Peut-être que Gulliver est l'emmerdeur parce qu'il est trop grand dans un pays où tout le monde se révèle petit, mais enfin, il fait peur. Extrait d'un article paru dans Le Courrier, le 11 juillet 2002. L'Expo 64 a, paraît-il, suscité pas mal de scepticisme et de controverses avant son ouverture. Mais quand on a 11 ans, dans la cour de l'école, les polémiques portent davantage sur les règles à respecter lors des jeux de billes. Et pour moi, écolier de 5e primaire, l'exposition nationale offre d'abord une formidable occasion de rompre la routine, de multiplier les sorties hors les murs. En ce début des années 60, les loisirs sont encore bien limités. Pour les vacances, il y a surtout la colo et la télévision. La télévision, on ne peut la regarder que chez quelques copains privilégiés. Aussi, l'Expo 64 apparaît-elle comme le plus génial des parcs d'attractions, laissant loin derrière le grand 8 de la plaine de Plainpalais. La suite de l'article de Michel Perita replonge ainsi le lecteur dans cette ambiance d'apparence douce, légère et insouciante des années 60. Avec le temps, on ne préserve souvent que les beaux souvenirs. Peut-être l'instinct de vie prévaut-il dans ce réflexe. Ainsi, des années 60, l'auteur garde plus volontiers le baby-boom comme toile de fond, le monorail comme moyen de locomotion et le circarama du cinéma révolutionnaire à 360 degrés comme raison d'éblouissement. Et il est vrai que cette Expo 64 plonge le visiteur dans un incroyable futur. Les conceptions si déroutantes ne cesse d'interpeller le Suisse de 1964 sur le monde dans lequel il vit. Mais sait-on qui est l'Homo Helveticus ? Sait-on tourner vers lui pour connaître son identité, ses goûts, ses colères, ses ras-le-bol, ses irréductibilités, ses marges de tolérance, sa friabilité, sa pérennité, ses doutes ? Peu. On pourrait même dire pas du tout. Max Bill, auteur d'une radicale définition de l'art, deux points, ouvrez les guillemets. Je prétends que la fonction de l'art est de produire une vérité élémentaire immuable. Une sorte de vérité que l'on puisse interpréter différemment, mais qui reste cependant la même, car même si le spectateur et le monde ambiant sont soumis à des mutations, cela ne vaut pas pour les objets esthétiques. Trois petits points, la suite est du même ordre. Fermez les guillemets. Ainsi, face à un Max Bill, auteur de cette radicale définition de l'art, va-t-on trouver, en cette année 1964, un autre bonhomme, venu lui aussi du monde des arts, mais sans aucun doute par un autre moyen de transport. Et lui, au lieu de laisser venir les gens, il va aller à leur rencontre. Aujourd'hui, Charles Apotello. Chapitre 1. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Sartre, Jean-Paul, Poulou pour les intimes. Sartre, avant d'être le philosophe existentialiste engagé, l'homme de L'Enfer, c'est les autres, a été scénariste professionnel. Oui, oui, scénariste de cinéma. Il a même été salarié, qu'on se le dise, par la maison Pathé, et ce pendant 2 ou 3 ans après la Libération. Il a ainsi pu poser plumes, craie et blouse grise et abandonner son métier de professeur pour se lancer dans le cinéma. Et le bonhomme est plutôt prolixe puisqu'il signe ainsi une dizaine de scénarii. Les jeux sont faits, c'est le premier publié. Le second, c'est l'engrenage. Et le troisième, les faux nés. Je vous laisse en compagnie d'Armand Aplanalp qui va vous raconter tout ça. Et je crois que c'est Buage qui bien sûr qui s'intéressait beaucoup au cinéma déjà, qui avait découvert ce scénario de Sartre, Les Faunés. Alors Charles a décidé d'en faire un spectacle pour Belles Lettres d'abord. Et comme personne ne savait faire du théâtre parmi tous ces gens, il a inventé une espèce d'alphabet de gestes pour manifester sa joie. Il y avait un geste pour manifester sa joie, son incrédulité, sa colère. Comme ces gens ne savaient pas jouer, il leur a mis des espèces de filets sur la tête. C'était des filets à commission, vous savez, ces filets en maille, enfin des filets, quoi, qui étaient teints en noir, et un faux nez. Ce qui donnait des personnages complètement vivants et complètement abstraits à la fois, qui pouvaient tous permettre, en somme, même de parler faux. Et donc, il a créé un style. Et avec ça, il est allé à Paris, au concours des jeunes compagnies, et il a remporté le premier prix des jeunes compagnies. De quoi être lancé, propulsé même ? En tout cas, suffisamment remonté pour aller rendre visite au maître. Jacques Gull nous raconte la suite. À ce moment-là, nous sommes rendus donc à Paris pour consulter le gourou. Je ne sais pas de quelle manière on y est allé. On a été consulter le gourou Sartre pour lui dire naïvement, voilà, c'est nous. Le gourou Sartre. Le gourou Sartre, parce que c'était évidemment le gourou avec Camus, avec Merleau-Ponty, avec Saint-Exupéry pour certains, etc. Pour des catholiques existentiels aussi, pour d'autres. Pour lui dire naïvement à Sartre, ben voilà... Oh, c'est nous, on est là, on adhère à vos idées, on est prêt pour l'action, qu'est-ce qu'il faut faire ? Naïvement, on était en face de lui, alors l'homme a paru bien embarrassé, bien sûr, puis il nous a dit, mais retournez chez vous, c'est chez vous qu'il faut agir, ce sont vos concitoyens qu'il faut convaincre. Et c'était bien dans ces théories philosophiques, c'est-à-dire que c'est chez soi qu'il faut agir, n'est-ce pas ? Il ne faut pas se grouper pour aller ailleurs faire quelque chose, mais il faut se modifier chez soi, hein. Et les bons élèves, obéissant à la parole du gourou, repartent sur Suisse, non sans un passage par la Provence, obligés qu'ils sont de se remettre à flot après s'être copieusement fait arnaquer par un impresario véreux, pardon pour le pléonasme. Et nos saltimbanques de laisser sur place tissage, poterie, cueillette de fruits, pour fouler de nouveau les rues de la vieille ville, quand tout à coup... Charles Apotello nous raconte la suite. C'est là que Jacques Gould et moi, nous promenant un jour dans les alentours de Saint-François, avons découvert tout à fait par hasard, nous cherchions un local pour déposer notre matériel, découvert la cave qui est devenue le théâtre des Faunés, que nous avons aménagé nous-mêmes pendant l'année 51-52. C'est en 53 qu'on a inauguré le théâtre des Faunés en compagnie de Gilles. Gilles, né à Montreux, originaire de Dayan, il interprète Lausanne. Gilles est un comédien, un poète, un écrivain, et c'est dans la chanson qu'il trouva la meilleure façon de s'exprimer. Il y raconte, sous une forme condensée, les mille et une petites histoires des gens de son pays et d'ailleurs. Avec son esprit observateur et critique, il n'a jamais ménagé les gens du pouvoir, ni les institutions politiques, religieuses ou militaires. Dominant la large gouille qu'on nomme le bleu léman, le pays se débarbouille et se mire joliment. Évêché, capitale, Lausanne, le flanc d'un coteau, a planté sa cathédrale, son école et son château, son don, sa paix et son don, gros bourdon. La ville s'éveille au son de ta chanson. Son pied caresse l'eau douce, son fond près des grands bois. Se pose sur un lit de mousse dans le pays vaudois. Sa main droite fait des signes aux champs, aux vergers en fleurs. Sa main gauche tient la vie. N'est-ce pas la main du cœur ? Sonne donc, roi des anges, sonne donc, joli son. Sonne pour la vendange et pour la fenaison. Saint-François François, cœur de la ville, est une exposition rétrospective des styles de toutes les nations. Néo-grec et renaissance, 1900 et munichois. Et presque totale absence de quelque chose de vaudois. Sonne donc, sonne cloche, sonne donc, gros bourdon. Pour ces œuvres moches, implore notre pardon. Ces temples de la finance sont bâtis, mes enfants, ma foi à la ressemblance du dieu nommé l'argent. Mais tout près, la vieille église, simple et pure en ses atouts, montrant sa mesure exquise, ce que peut créer l'amour. Sonne donc l'ange fier, sonne sur Saint-François, Seigneur notre Père, et c'est pas l'argent roi. La ville en creux et en bosse, en colline, non vallon, fait rouler ses carrosses, leur a construit des ponts. Mais sous leurs arches de pierre, assurant la liaison, à la place de rivière, il y coule des maisons. Sonne donc, cloche, sonne, sonne sur le grand pont, sonne sur la Riponne et sonne sur mon Benon. À Lausanne, il y a des pintes, le vin nous rend si fort qu'on irait partout sans crainte, mais oui, braver la mort. Prend d'assaut la planète, mais soudain, en plein élan, le héros s'écrit charrette. Et la bourgeoise qui m'attend, sonne donc, grosse cloche, ma femme au plus marre. Va me sonner les cloches, ça va faire du pétard. Le marché sur la Riponne, puis l'université, dessus la cloche qui sonne, voilà notre cité. Car le charme de Lausanne, c'est qu'elle est en vérité une belle paysanne qui fait ses humanités. Sonne donc pour l'école, le grand prend le pas, les volets s'envolent mais l'esprit ne meurt pas. Retour à Histoire vivante, juste après quelques nouvelles de la route. Infotrafic RTS. Prudence sur l'axe Berne-Vevey. Un camion est en panne sur la bande d'arrêt d'urgence et il y a un pneu sur la voie de dépassement entre Fribourg-Nord et Fribourg-Sud en direction de Vevey. Chapitre 2. Aux antipodes du CAC 40. Ouvrir dans les années 50 un lieu culturel, rue de Bourg, afin d'y jouer tout ce que le théâtre contemporain comprend d'auteurs vivants, peut sans aucun doute combler toute une génération en même temps que vider les poches de ses initiateurs. Ça ne manque pas, le Théâtre des Faunées, fondé par Apotello et ses compères en 1956, est au bord de l'asphyxie et n'a guère d'autre choix que de regarder chaque jour grossir les cruels 100 000 francs de dette, tandis que les débiteurs cognent vigoureusement au battant des portes. Que faire quand on ne peut plus rien faire? Faire encore quelque chose. Charles Apotello. Nous avons décidé, avant de fermer le Théâtre des Faunées, de jouer dans la rue, en signe en fait à la fois de protestation et puis aussi pour nous manifester. Et alors, ce fut l'expérience de la Grande Gare du Sondrebon. Je pense que ce sera la dernière de nos pièces. Et en fait, c'était un redémarrage, puisque jouant gratuitement dans la rue, nous avons reçu un accueil extraordinaire. Enfin, il y avait des foules énormes, je pense à Yverdon par exemple, où la place de Psalosi était absolument comble. Enfin, la police a évalué à plus de 4000 personnes, les spectateurs de la Grande Gare du Sondrebon. Enfin, c'était un tel succès populaire que, enfin, les autorités sont intéressées à nous et ça nous a valu nos premières subventions. Cette guerre du Sondrebon qu'il dit, c'est la faute des catholiques. Ils auraient voulu avoir la Suisse, rien qu'à eux. Et puis c'est fini. Nous, on serait devenus allemands, ou bien anglais, ou bien français. Est-ce qu'on sait? Et où on serait à présent? Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'engagement de cette jeune petite troupe s'inscrit dans une époque où la conscience politique habite chaque instant, chaque geste, l'encombre, dirait-on sans doute aujourd'hui. À voir, enfin bref. Pour Jacques Gull, comédien des Faunées, quand Sartre fait jouer les mouches, ou Anouilh, son Antigone, au nez à la barbe des Allemands, ils ne font pas autre chose qu'un acte politique. Mais ce qui rapproche en plus les deux hommes, Jacques Gull et Charles Apotello, c'est que ce ne sont pas seulement des gens engagés dans un théâtre engagé, ce sont aussi des sportifs. L'un a fait du foot, l'autre du sprint, tous les deux au Lausanne Sport, et pour eux, le sport, comme le théâtre, participe de la préparation à l'intégration dans la cité. Chacun à sa façon. Depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, chère comme monsieur. C'est curieux. Mais alors, nous nous sommes peut-être rencontrés rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. C'est bien possible après tout, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Je demeure au numéro 19, chère madame. Oh, comme c'est curieux. Moi aussi, j'habite au numéro 19, cher monsieur. Mais alors, nous nous sommes peut-être vus dans cette maison, chère madame. C'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Mon appartement est au 5e étage. C'est le numéro 8, chère madame. Oh, mon Dieu, comme c'est curieux. Et moi aussi, j'habite au 5e étage, dans l'appartement numéro 8, cher monsieur. Comme c'est curieux, quelle coïncidence. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit est couvert d'un édredon vert. Cette chambre, avec ce lit et son édredon vert, se trouve au fond du corridor entre les water et la bibliothèque, chère madame. Oh, mon Dieu, quelle coïncidence! Ma chambre à coucher a elle aussi un lit avec un édredon vert et se trouve au fond du corridor entre les water, cher monsieur, et la bibliothèque. Comme c'est bizarre, curieux, étrange. Alors, madame, nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. Oh. Comme c'est curieux et quelle coïncidence. C'est bien possible que nous nous y soyons rencontrés, et peut-être même la nuit dernière. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. La reconnaissance venue, les pépettes avec, même si on ne roule pas sur l'or, on commence à exister, disons officiellement. Et c'est ainsi qu'un beau jour, après une dizaine d'années passées dans le matériau théâtral, Apotello se retrouve embarqué dans un projet avec Expo 64. Et alors, on a imaginé que ce serait Guyver, ce bon géant, qui serait venu en Suisse et qui aurait examiné ces petits Suisses qui étaient là, les prenant dans la main pour regarder comment ils étaient, comment ils raisonnaient, comment ils vivaient, ce qu'ils mangeaient, enfin, comment on devenait adulte, etc. Et alors, on pouvait interroger Guyver, lui demander ce qu'il pensait de nous. Alors Guyver, en retour, disait, ben moi, je vais vous poser des questions et je vous dirai ce que j'en pense. Alors l'idée était de donner une réponse individuelle à la personne qui répondait, qui remplissait le questionnaire, lui dire, voilà ce que tu penses, mais t'es pas seul à penser ça, il y a tant de personnes qui pensent comme toi, les gens qui pensent comme toi, ben la plupart du temps, c'est des gens de tel âge, ou de telle confession, ou de tel revenu, ou de tel métier, pour que les gens s'aperçoivent, au fond, qu'ils ne sont pas seuls à penser comme ils pensent, et puis un petit peu se démarquer par rapport à d'autres. Ça donnait un petit peu une idée des courants d'opinion dans notre pays. Et puis, alors, on devait, bien sûr, Guyver devait donner les résultats de son enquête, et on devait, de manière permanente, donner les résultats. Alors, c'était évidemment très dynamique à l'époque, parce qu'à l'époque, l'automation était un peu plus connue, les ordinateurs, ça, c'était nouveau pour les Suisses. On aurait vu, enfin, cette machine, ce cerveau de Guyver au travail. On aurait vu faire ses calculs et on aurait eu une sorte de baromètre de l'opinion suisse. On aurait eu une façon très illustrée, très dynamique. Mais le bonhomme n'a pas changé. Lui, il se pose toujours les mêmes questions. Comment ça se fabrique une société ? Comment ça dialogue au théâtre ? Mais comment ça s'articule ? Ça serait-il pas plus fluide si une certaine information passait par là et assouplissent les jointures. Tout le problème est là, et Talleyrand l'a condensé en peu de mots. Du peuple trop cultivé, ça devient ingouvernable. Henri Dez interprète Le Réveil Matin, une chanson de 1966, un titre franchement burlesque avec ses comparaisons farfelues. Dans les années 60, Henri Dess ne chantait pas encore pour les petits lutins. Une chemise polo, c'est pas rigolo, mais c'est bien plus chaud qu'un réveil matin. Un drap de dessous, c'est pas du frou-frou, mais c'est bien plus doux qu'un réveil matin. Une lune de miel, c'est conventionnel, mais c'est plus charnel qu'un réveil matin. Deux, trois caleçons longs, c'est pas folichon, mais c'est plus profond qu'un réveil matin. Une belle à croquer, c'est cher à porter, mais c'est plus prisé qu'un réveil matin. Une mèche de cheveux dans un pot-au-feu, ça fait plus de nœuds qu'un réveil matin. Un crime passionnel, ce n'est pas rituel, mais c'est plus mortel qu'un réveil matin. Un vieux condamné, ce n'est pas distingué, mais c'est plus rayé qu'un réveil matin. La moralité va vous étonner, je peux pas supporter. La moralité va vous étonner, je peux pas supporter la glace au moka. Vous écoutez Histoire vivante. Cette semaine, Expo 64. D'une ouverture d'esprit à une fermeture de principe, l'amnésie d'un géant nommé Gulliver. En ce qui concerne les questions elles-mêmes, puisqu'on en a quelques-unes sous les yeux ici, sur ce questionnaire, pour avoir une idée des problèmes qui se posaient. Oui. J'en prends une, par exemple, la question C3 était la suivante. Gulliver demandait aux Suisses, es-tu protestant, catholique, d'une autre confession ou religion ou sans confession? Oui. On savait, par notre enquête préliminaire, on savait qu'un certain nombre de Suisses, Charles Apotello, se déclaraient spontanément athées. Le mot athée, évidemment, est étonnant, mais on a été frappé du petit nombre de gens qui affirmaient, quelle religion êtes-vous, et qui vous répondaient, je suis athée. Alors, il paraissait dynamique de poser la question, es-tu athée? Mais ça, on n'a pas pu dire athée. Le mot athée était proscrit, tabou, impossible, il fallait le mettre sans confession. La nuance. Tout est dans la nuance. Et dans ce domaine, il semble bien que Gulliver ait l'intention d'avoir recours à un langage par trop direct. Peut-on être un bon Suisse et avoir une double vie? Évidemment, c'était, on avait mis le mot adultère, très carrément, appelé un chat, le mot adultère était, c'est censuré, on peut pas être Suisse et adultère. Hein. En 1962, pour la première fois dans l'histoire du pays, on a recours à un questionnaire de grande envergure. 3 ans avant l'ouverture d'Expo 64, on interroge ainsi l'Homo Helveticus, histoire de rôder Gulliver. La vie personnelle des Suisses apparaît tout entière centrée sur le travail. Le travail est chez nous une véritable institution, surtout comme moyen d'exister socialement. Le travail est le seul mode de promotion. On se définit socialement par son emploi. Travailler, pour un Suisse, c'est être un homme. La retraite est presque considérée comme une mise en quarantaine de la société. Question. Quelle est la qualité principale des Suisses? 42% des personnes interrogées répondent « travailleurs ». 2% répondent « trop travailleurs ». Quand aimeriez-vous cesser de travailler? Entre 60 et 64 ans. 16%. À 65 ans et plus. 14%. Quand je ne pourrai plus. 15%. Jamais. 15%. Peut-on être bon Suisse et se lever après 9 heures du matin? Non. 80%. La femme et le mariage. Le travail est le privilège des hommes. Le rôle de la femme suisse est au foyer. Elle s'intègre à notre société par le mariage. C'est par lui qu'elle existe socialement. Les femmes qui s'engagent dans un métier le font généralement en attendant de trouver un mari et de fonder un foyer par lequel elles deviendront de vraies femmes. Le mariage semble donc être pour la femme, comme le travail pour l'homme, une contrainte totalement assumée et une authentique libération. Question. Trouvez-vous souhaitable que les femmes mariées aient une activité professionnelle? Non. 54%. Oui. 11%. Pourquoi non? La place de la femme est au foyer. 63%. À cause des enfants. 23%. Ah, sûr qu'elles étaient douces, légères et insouciantes ces années 60. Et parfois aussi guêques des fossiles. Trente ans après les ennuis qu'auront connus Charles Apotello et ses complices, Gulliver va être l'objet d'une enquête, et même mieux, d'une contre-enquête, menée par Gaspard Lamunière et Bertrand Tebet pour la TSR. Nous y revenons demain. Les sauterelles. I love how you love me. J'aime la façon dont tu m'aimes. Groupe zurichois. Les sauterelles sont les dignes représentants de la Beat Generation en Suisse. Leur surnom était les Swiss Beatles, quatre garçons, comme les scarabées. Documentation et archives à la Radio Suisse Romande, Josette Suyot et Blaise Dupaquier. Programmation musicale, Laurent Pavia. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres. Proposée par Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.